ma putain de vie, elle est sale comme une salope qui traîne tard. J'en ai marre des gyrophares, des fers aller-retour au tard. J'étouffe parce que l'école m'a laissé en chien, parce que les miens ne comprennent rien, parce que moi la force la détient. Combien de fois j'aurais pu péter les plombs, souvent assez sur le banc, des fois le glock entre les gants. Le genre assez rare comme les amis. Je traîne dans les taudis, à mon époque l'idole c'est toujours Tony. Je suis étonné de savoir que le diable il m'abîme. Je suis qu'une putain cible, mon sort imprévisible. Beaucoup des miens par la suite en pète invisible. Et ouais mon cas je chie comme du sang. Mes espoirs s'éloignent à 4 sur l'heure. Alors monsieur l'agent, croyais-tu que j'allais passer ma vie en zance? On veut tous la médaille de bronze pour ne péter plus qu'une équipe de 11. Et toi tu veux que je change? What the fuck, tu sais, on a peuplé les halls. La police te braque au flashball. C'est ça le pays du général de Gaulle. Je te parle avec une patte, un putain d'Eric Stomach. Acte au droit sorti du plaque, Mick Mac. Au lieu de péter, je me verrai bien dans le pool. Avec Vivica Fox, ça check les tox. Mettre mon doigt dans le cul de ta sœur. J'ai rien à faire alors je rappe. Ma vie sous vol des raps. C'est pour cela que moi je m'accroche à la grappe. J'aimerais bien vendre des disques comme les autres. C'est vrai qu'on a tous besoin d'argent. Alors on parle comme des apôtres. Fini les pour qu'on demande de l'aide. La France te dure autour d'un bled. Alors ce roi franc que l'on succède. Prise au piège depuis la naissance. Tu me n'es comme un trucule de plus pour l'état. Et te diront t'as ta chance de vivre en France. Manigance sur manigance, on sera toujours là. On lâchera pas l'affaire mon gars. Tu sais que les choses ne changent pas, négro. Y'a pas le combat. On veut s'en sortir ici, bas. Mais on n'arrive pas. Tu sais que les choses ne changent pas. C'est la merde, y'a pas trop pas. On veut s'en sortir ici, bas. Mais on n'arrive pas. Souvent je me sens faible face à l'adversaire qui m'accable. Je protège mes meubles pour ne plus traîner dans le sable. Mes yeux vers le ciel, je crie à l'aide. Mais personne vient à mon secours, cette vielle est laide. Elle me bourre, négro. Je suis qu'un jeune esclave qui vit en France. Beaucoup le savent qu'on a la chance ou la malchance, négro, de vivre ainsi ici. On n'est pas tous égaux, liberté, égalité, fraternité, motherfuck. Tu sais, tu seras libre, mais te foutre en prison. L'égalité, tu n'auras pas de taf parce que t'es noir, motherfuck. Fraternité, les gueufs te traquent au flashball. Merci, général de Gaulle. Tu t'es bien servi de nous, on a construit vos ponts, vos maisons et beaucoup encore. Et toi, tu nous offres le charter, le salaire de la mort. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on vit en France. Rien n'a changé, la souffrance augmente plus vite que la violence. C'est vrai que beaucoup vivent dans l'ignorance. Tu n'es qu'un esclave, tu vis dans les îles, je sais que t'as pas eu le choix. C'est vrai que dans le ghetto, c'est la merde. Les frères morts, les larmes des mères coulent comme la mer, ça me saoule. C'est vrai que les maisons d'arrêt sont pleines. Ils nous enferment comme des chiennes, voilà pourquoi mes frères coupent les veines. C'est vrai qu'il me reste une chance, la musique. Je fais pas ça pour le fric, mais pour développer l'Afrique, négro. C'est vrai que les jeunes bannissent l'école. Voient l'avenir dans l'alcool qui rend nos mères folles, ça me rend fou. C'est vrai que la vie elle est injuste. Les mauvais s'en sortent, les justes crèvent. Fait mon diable serait en vie dans un rêve. Tu sais que les choses ne changent pas, négro. Y'a pas le combat. On veut s'en sortir ici, bas. Mais on n'arrive pas. Tu sais que les choses ne changent pas. C'est la merde, y'a pas trop pas. On veut s'en sortir ici, bas. Mais on n'arrive pas. Motherfuck!